Jonas chapitre 4. Mais cela déplut à Jonas, il lui déplut extrêmement, et il en fut en colère. C'est pourquoi il fit cette requête à l'Éternel, et dit, « Ô Éternel, je te prie, n'est-ce pas ici ce que je disais, quand j'étais encore en mon pays? C'est pourquoi j'avais voulu m'enfuir en Tarsis, car je connaissais que tu es un Dieu fort, miséricordieux, pitoyable, tardif à colère, abondant en gratuité, et qui te repent du mal dont tu as menacé. Maintenant donc, ô Éternel, ôte-moi, je te prie, la vie, car la mort m'est meilleure que la vie. » Et l'Éternel dit, « Est-ce bien fait à toi de t'être ainsi mis en colère ? » Et Jonas sortit de la ville, et s'assit du côté de l'orient de la ville, et se fit là une cabane, et se tint à l'ombre sous elle, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait à la ville. Et l'Éternel Dieu prépara un quiquajon, et le fit croître au-dessus de Jonas, afin qu'il lui fît ombre sur sa tête, et qu'il le délivra de son mal, et Jonas se réjouit extrêmement du quiquajon. Puis Dieu prépara pour le lendemain, lorsque l'aube du jour montrait, un ver qui frappa le quiquajon, et il sécha. Et il arriva que quand le soleil fut levé, Dieu prépara un vent oriental qu'on n'apercevait point, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, en sorte que s'évanouissant il demanda de mourir, et il dit, « La mort m'est meilleure que la vie. » Et Dieu dit à Jonas, « Est-ce bien fait à toi de t'être ainsi dépité au sujet de ce quiquajon ? » Et il répondit, « C'est bien fait à moi que je me sois ainsi dépité, même jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu voudrais qu'on eût épargné le quiquajon, pour lequel tu n'as point travaillé, et que tu n'as point fait croître, car il est venu en une nuit, et en une nuit il est péri. Et moi, n'épargnerai-je point Ninive, cette grande ville, dans laquelle il y a plus de 20 000 créatures humaines, qui ne savent point discerner entre leur main droite et leur main gauche, et où il y a aussi une grande quantité de bêtes ?